Le azur était le ciel, partant de si beau matin vers les mille contrées pour ainsi explorer, vers les airs au-dessus des mers, volant vers le sable chaud des cocotiers. Qui sait ce qui va m'arriver? Arrivé à destination, je l'aperçois, car non, ce n'est pas une fiction. Ma fleur des îles avec qui j'ai conversé à longue distance en étant à l'opposé, je lui ai pris la main et nous avons tracé vers les mille contrées à explorer. Le azur était le ciel, se miroitant sous l'eau, quelle merveille de t'avoir retrouvé en étant à ton côté, pour ainsi me livrer à toi, tout en étant honnête et droit, pour ainsi converser avec toi, toi ma reine, je suis roi. Soudain me vient à l'idée de vouloir t'emmener là où tu voudras avec moi, d'échanger, de partager, mutualité, ma destinée. De t'avoir retrouvé en étant à tes côtés, pour ainsi me livrer à toi, tout en étant honnête et droit, pour ainsi converser, toi ma reine, je suis roi. Soudain me vient à l'idée de vouloir t'emmener là où tu voudras avec moi, d'échanger, de partager, mutualité, ma destinée. Viens avec moi pour te montrer qui je suis, afin de te dévoiler sous tes bons côtés, pour ainsi te connaître et paraître intéressé. Attentif je le suis envers la femme de ma vie, qui sera celle que j'aurai choisie pour écouler nos beaux jours à nous deux réunis, de pouvoir te montrer qui je suis à l'infini, pour ainsi ne rien te cacher, dévoile mon être si tu es intéressé, afin de te prouver que je suis l'homme de ta vie. Le azur était le ciel, se miroitant sur l'eau, quelle merveille de t'avoir retrouvé en étant à tes côtés, pour ainsi me livrer à toi, tout en étant honnête et droit, pour ainsi converser, toi ma reine, je suis roi. Soudain me vient à l'idée de vouloir t'emmener là où tu voudras avec moi, d'échanger, de partager, mutualité, ma destinée. Le azur était le ciel, se miroitant sur l'eau, quelle merveille de t'avoir retrouvé en étant à tes côtés, pour ainsi me livrer à toi, tout en étant honnête et droit, pour ainsi converser, toi ma reine, je suis roi. Soudain me vient à l'idée de vouloir t'emmener là où tu voudras avec moi, d'échanger, de partager, mutualité, ma destinée.